histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions. Les textes illustres du Moyen-Âge avec Michel Pastoureau, épisode numéro 3, Les Bestiaires. Venez, mes chers amis, entendre les récits de la bête sauvage qui court par les champs. Autour d'Orléans fait un très grand carnage. L'on ne peut que pleurer en voulant réciter la peine et la misère de tous ces pauvres gens, déchirés par les dents de cette bête sanguinaire. Prions le Tout-Puissant qu'il nous délivre des dents de ce monstre horrible et par sa sainte main qu'il guérisse soudain toutes ces pauvres victimes. Les bestiaires du Moyen-Âge cataloguent les animaux sauvages et les domestiques, mais aussi les animaux qui témoignent dans l'ordre visible de qualités qui relèvent de l'ordre de l'invisible. Comment faire d'ailleurs la distinction entre les animaux qui relèvent du réel et ceux qui n'en relèvent pas? La licorne, par exemple, a-t-elle besoin d'exister pour exister? Non. Pour comprendre, observez un Parisien d'aujourd'hui sur la rive gauche. Il est place d'Enfer Rochereau. À qui va-t-il accorder le plus d'importance? Au lion sculpté ou au simple pigeon qui se pose dessus? Au lion, le plus souvent. Le lion qui n'a pas besoin d'exister pour exister. Cette observation permet de comprendre un peu la place singulière de cet animal dans les bestiaires comme dans l'héraldique. Et pareillement, celle de la licorne ou celle des monstres qui grouillent dans les marges et les enluminures des bestiaires. Ceux-ci méritent eux aussi qu'on les partage en plusieurs catégories. Les bestiaires du XIIIe siècle qui se présentent comme des guides d'amour courtois ne peuvent être confondus avec les bestiaires moralisés qu'on trouvait un peu avant dans les bibliothèques d'évêques et qui renvoyaient donc à un enseignement autre. Pareillement, le bestiaire sculpté gothique différait du bestiaire sculpté roman. Les bestiaires du Moyen-Âge divergent et qui plus est, chaque bête revêt sans cesse des sens différents. Imprévisible époque. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec notre guide tout au long de cette semaine, Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Que mes proches me pardonnent, je deviens lassant à ne parler que de couleurs. Vous dites ça dans votre journal chromatique qui paraît au seuil. Mais non, vous n'allez pas être lassant en nous parlant de couleurs, parce que vous avez aussi une autre marotte, ce sont les animaux. Voilà, oui, j'ai deux terrains de recherche principaux. L'histoire des couleurs d'un côté, l'histoire des animaux de l'autre. Et même si ça a l'air très différent, en fait, pour moi, il y a un lien. C'est de l'histoire culturelle dans les deux cas. Sorti d'ailleurs de ma thèse d'école des chartes qui portait sur le bestiaire héraldique au Moyen-Âge et qui a conditionné tous mes travaux ultérieurs. Oui, enfin vous êtes modeste parce que si on s'intéresse tant à tous ces travaux, c'est qu'ils sont fondateurs et novateurs. Mais je ne vais pas vous faire commenter ces adjectifs. Vous aimez bien les adjectifs d'ailleurs? J'aime beaucoup les adjectifs et on me reproche parfois d'en abuser comme s'ils masquaient le vide de la pensée. C'est un reproche qui m'a été fait quand j'étais lycéen. Mais j'assume, je trouve qu'on ne peut pas parler de couleurs sans employer des adjectifs, et d'animaux non plus. D'ailleurs, les bestiaires médiévaux ne s'en privent pas. Et puisque vous parlez de votre adolescence, vous êtes un âge où on commence à aimer parler de soi. Hein. Oui, ça rassure. On pourrait parler de votre enfance. Qu'est-ce que c'est votre bestiaire d'enfance, les bêtes préférées? Très tôt, j'ai aimé les animaux ronds, gros, rebondis, replets, dodus. Le cochon, de très bonne heure, je ne saurais pas dire pourquoi. Les éléphants, à cause de Babar, j'étais un enfant privilégié à qui on offrait des albums de Babar. Ça coûtait assez cher à l'époque, et dans ma famille, on n'aimait pas trop ce qui venait des Amériques, Mickey, Donald, non, Babar, oui. Les animaux ronds, les animaux de grande Vous taille. Vous avez oublié l'hippopotame. J'ai oublié l'hippopotame, qui est une sorte d'éléphant d'un type particulier. On peut ajouter le rhinocéros. D'ailleurs, dans les albums de Babar, il y a les trois. La guerre des éléphants contre les rhinocéros fait parfois apparaître un hippopotame un peu incongru. Mais pourtant, à l'époque, vous étiez mince, vos vestes fermaient. Oui, j'étais un enfant même plutôt maigrelet. Je n'ai grossi que plus tard, à la puberté, puis j'ai remaigri, et puis tardivement, je suis devenu ce que je suis. Je ne suis pas sûr qu'on parle de tous ces animaux préférés de votre enfance, mais vous nous rappellerez à l'ordre de temps à autre. L'ordre des bestiaires moralisés, qui obéissent à des sources bien connues, ou en tout cas strictement hiérarchisées. Oui, qui sont des autorités pour la culture médiévale, des autorités grecques et romaines, à commencer par Aristote. On redécouvre l'œuvre zoologique d'Aristote en plusieurs étapes, à la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Mais en revanche, on connaît bien Pline depuis longtemps, et son histoire naturelle, très bavarde sur les animaux, est une grande autorité jusqu'au XVIIe siècle. Puis l'abréviateur de Pline, qui s'appelle Solin, un auteur dont on ne sait pas grand-chose, mais qui écrit au IIIe siècle de notre ère. Et puis, autre autorité incontournable, bien sûr, la Bible, qui est un livre saint, mais aussi une histoire naturelle, une encyclopédie que l'on cite à tout propos. Les bestiaires ne s'en privent pas. Et enfin, un peu un résumé de tout cela, très ancien, le fameux Physiologos, Physiologus, en latin. Alors ça a commencé en grec et c'est passé en latin, voilà, ce livre. Écrit en grec à Alexandrie, à la fin du IIe siècle de notre ère, en milieu chrétien, et rapidement traduit en latin. Physiologos, ça veut dire le naturaliste. C'est un ouvrage qui se propose de décrire les propriétés, entre guillemets, d'une quarantaine d'espèces animales. Il y a même quelques végétaux et pierres ajoutés à la fin. Et à partir d'une description de l'aspect physique et des mœurs de l'animal, d'en tirer des enseignements qui sont à la fois moraux et liés à l'histoire sainte et aux personnes divines. Alors ensuite, un peu plus tard, 7e siècle, Isidore de Séville, et puis le Moyen-Âge occidental tel que vous allez nous le raconter, ce Physiologus va se transformer, beaucoup de rameaux vont pousser. Voilà, on rajoute des textes empruntés de différents côtés, notamment aux fables, à d'autres textes encyclopédiques, à de la littérature proprement zoologique ou narrative. Ça donne différentes branches, différentes versions. Les spécialistes ergotent pour savoir si on est dans la version A, B, C ou D. Ça n'a pas grande importance. Le contenu n'est pas tellement différent. C'est des animaux qui sont le sujet de ces livres, livres de bêtes, comme dit la langue vernaculaire. Parfois, il y en a des spéciaux consacrés aux oiseaux, on appelle cela des aviaires. Le Moyen-Âge distingue cinq catégories dans le monde animal. Les quadrupèdes, les oiseaux et tout ce qui vit dans les airs, les poissons et tout ce qui vit dans l'eau, les serpents qui rentrent sur la terre, c'est un monde assez vaste, les serpents. Et puis, ce qu'on n'a pas pu ranger dans les quatre catégories précédentes et qui est de petite taille, on le range dans la catégorie des vers, vermes en latin. Donc on trouve dans les vers les petits rongeurs, les crustacés, les batraciens, les mollusques, la mouche, la crevette, la coquille Saint-Jacques, oui, mais toute la vermine sont rangées chez les vers. Comme vous avez une préférence pour ce qui est grand, gros, courbe, je vous propose qu'on prenne comme premier exemple la baleine, avec évidemment le personnage de Jonas, dont on sait que dans le livre de Jonas, le plus court peut-être de la Bible, il est avalé par le cétacé. Il y a longtemps que je suivais le bateau, sans trop savoir pourquoi. Car même en ce temps-là, où nous n'étions pas comme les pauvres petites baleines dégénérées d'aujourd'hui, nous ne nous intéressions nullement aux humains. Nous n'avons jamais mangé que du poisson. Mais un étrange pressentiment m'assurait que j'allais vivre une aventure extraordinaire. J'en éprouvais de délicieux chatouillis à l'épigastre. Une autre caisse! Une autre caisse! Il faut tout jeter à la mer! Mais non, il faut pas tout jeter! Ça sera la ruine! Aimes-tu bien perdre le bateau tout entier? Et si c'était que le bateau, mais nous allons mourir, tous mourir! Oh, que nos dieux puissants nous protègent! Une autre caisse, vite! Il n'y en a plus! Toutes les marchandises sont à l'eau! Encore une rame de brisée et les vagues nous inondent! Agrippez-vous! Jonas était en train de couler à pic, et hop, je l'ai happé. Quand j'eus happé Jonas, je compris que je devais me destiner tout entière à ce saint homme. Mais où suis-je? Dans le ventre d'une baleine, au prophète. Qu'est-ce que c'est que ça, une baleine? Un gros poisson qui suivait ton sillage pour te sauver la vie. Oh, merci Seigneur. Merci, mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. J'élèverai vers toi d'ici peu un cantique de gratitude. Inutile, Michel Pastoureau, de froncer le sourcil et de chercher si c'est la version A, B, C, D de tel ou tel bestiaire. Ça s'appelle Le Bestiaire Inattendu. C'est une production Claude Aveline, avec dans le rôle de l'interprète principale Jeanne Marquen, de la RTF en 1952. Mais on a pris l'exemple de la baleine parce qu'il y a le personnage biblique de Jonas, mais on pourrait aussi faire référence à des légendes issues de l'Antiquité et qui traitent de la baleine, celle d'Arion par exemple. Oui, alors il y a, parmi les monstres marins, il y en a pris en bonne part et d'autres pris en mauvaise part. Dans la légende d'Arion, c'est plutôt un monstre salvateur, en quelque sorte, qui sauve le héros. Dans le cas de Jonas, c'est au contraire un instrument de perdition. Le prophète Jonas a désobéi à Dieu, ou plutôt il n'a pas voulu accomplir la mission que celui-ci lui avait confiée. Et il se sauve, il se réfugie sur un bateau, le bateau fait plus ou moins naufrage, les marins jettent Jonas par-dessus bord et il est englouti dans le corps d'une baleine. On ne connaît pas la notion de mammifère au Moyen-Âge, il faut attendre vraiment le 18e siècle, donc mammifère marin, ça n'existe pas. C'est un poisson, un énorme poisson pour la culture médiévale, et un poisson méchant dans la légende de Saint-Brandan, par exemple. Les Saint-Brandan et ses compagnons, qui cherchent les îles lointaines, croient voir une île, c'est le dos d'une baleine. Ils s'y rendent, ils font du feu, ils cherchent à se nourrir, la baleine dort et puis elle est réchauffée par les flammes et naturellement elle se réveille, donne un grand coup de dos et de queue. Les marins tombent à l'eau, menacent d'être engloutis par les flots. Alors justement, qu'est-ce que ces bestiaires retiennent de l'observation contemporaine? Parce que s'il y a cette histoire de Saint-Brandan, c'est qu'on a vu quand même, sinon des baleines entières, du moins des dos de baleines, et qu'il ne faut pas y mettre le feu, ni même dire la messe sur le dos de la baleine. La part de l'observation du réel dans les bestiaires. Cette part est relativement grande, d'une part parce que Pline et Aristote sont là en amont, et d'autres auteurs de l'Antiquité gréco-romaine qui savaient observer. Le Moyen-Âge chrétien lui-même sait très bien observer la nature, mais il n'a pas du tout l'idée que l'observation va conduire à la vérité des êtres et des choses. C'est une activité, certes, mais la vérité, elle est ailleurs. Elle est souvent dans les mots qui désignent ces êtres et ces choses, notamment les noms d'animaux. C'est pour ça que dans chaque chapitre de Bestiaire, les premières phrases sont consacrées au nom de l'animal et à des développements sur ce que ce nom peut signifier. D'où ce qu'on pourrait appeler, nous, l'étymologie, qui vient toujours en tête d'une notice, avec des jeux de mots parfois qui nous semblent tirés par les cheveux. Quelques auteurs, d'ailleurs, pratiquent une certaine ironie à partir de ces étymologies, comme Isidore de Séville. Mais quand même, ça dit beaucoup de choses et la suite peut s'enchaîner plus facilement. Mais alors, les animaux ont un message à transmettre par leur nom, par leur qualité. Ils peuvent être témoins de péchés, de concepts. Prenons le cas des péchés. Le bouc, c'est la luxure. Le chien, c'est l'envie. Ainsi de suite. Le lion, c'est l'orgueil. J'aimerais d'ailleurs que vous nous fassiez le rapport entre l'héraldique, dont vous êtes un spécialiste depuis la plus tendre adolescence, et le bestiaire. Oui, eh bien, les armoiries apparaissent dans le courant du XIIe siècle sur les champs de bataille et de tournois pour aider les combattants à se reconnaître, à s'identifier au cœur de la mêlée. Et dans le stock des premières armoiries, disons le premier siècle de l'héraldique, milieu XIIe, milieu XIIIe siècle, les animaux représentent au moins un tiers, sinon un peu plus, des figures représentées. Et l'influence des bestiaires est déterminante sur ce bestiaire héraldique. On voit beaucoup d'emprunt, on voit même affleurer des légendes. On voit par exemple que pour le bestiaire du blason, le lion est déjà le roi des animaux, c'est la figure la plus fréquente, alors que dans les bestiaires moralisés, c'est tout à fait récent. Donc l'héraldique est en prise avec une actualité tout à fait contemporaine. Le lion, dans cette période de l'héraldique que vous désignez, c'est plus de 15%, loin devant l'aigle. Voilà, si on prend l'ensemble des armoiries au Moyen-Âge, une armoirie sur six a pour figure un lion. D'ailleurs, un proverbe en ancien français, qui n'a pas d'armes porte un lion. L'aigle, deuxième figure animalière, vient loin derrière. Et puis on trouve ensuite le sanglier, l'ours, le loup, le corbeau, des petites figures stylisées en forme d'oiseau qu'on appelle merlette, quelques poissons, le bar, le dauphin. C'est un bestiaire qui n'est pas tellement diversifié. Il y a une trentaine d'espèces d'usage courant au Moyen-Âge, un peu plus à l'époque moderne. Et quoi que vous préfériez l'ours, mais l'ours est battu à plate couture dans l'héraldique, nous entendrons donc Anne Sylvestre chanter le lion dont l'orgueil peut être dompté. C'est un lion qui tombe en amour pour une demoiselle. Il lui tient tant de beaux discours qu'elle n'est point cruelle. Elle l'invite à la maison, plaignez, plaignez le pauvre lion. Entrez, entrez, messire, entrez, ma fille vous espère. Mais pour l'heure vous entendrez les conseils d'un beau-père. Les griffes que vous avez là seront autant de coutelas dessus sa chair si tendre. Et par amour le lion souffrit qu'on lui rogna les ongles. Il laissa sans le moindre cri limer ses dents si longues. La belle lui passa au cou une manière de licou comme on met en caniche. Il ne résista pas beaucoup et pour ne pas prendre de coups, il entra dans la niche. On lui fit garder la maison, plaignez, plaignez le pauvre lion. Avant de voir pauvres amants, pour l'amour d'une belle, arrachez vos griffes, vos dents, videz votre cervelle. Avant que votre triste sort vous fasse désirer la mort comme une délivrance. Brisez vos chaînes sans remords, amour, quand tu nous tiens si fort, adieu toute prudence. Ne souffrez pas cette prison, plaignez, plaignez le pauvre lion. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Parmi les textes illustres du Moyen-Âge, c'est le thème de cette semaine, en compagnie de Michel Pastoureau, les bestiaires. Des bestiaires moralisés, on va passer aux bestiaires d'amour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moralisés, eux aussi. Mais ils sont de plus en plus guidés par les codes de l'amour courtois. Oui, c'est une évolution du genre qui se diversifie et un grand texte est compilé un peu avant le milieu du XIIIe siècle par un personnage qu'on connaît relativement bien, Richard de Fournival, fils d'un médecin de Philippe Auguste, probablement médecin lui-même, mais aussi chanoine, d'abord à Amiens, puis à Rouen, auteur dont on a gardé des textes assez différents. Personnage qui possédait une bibliothèque personnelle, ce qui est relativement rare pour quelqu'un qui n'est pas un prince ni un évêque à cette époque. Et ses livres, d'ailleurs, donnés au collège de Sorbonne, constituent le plus ancien noyau de la bibliothèque de la Sorbonne. Donc ça n'est pas rien, Richard de Fournival, qui s'intéresse à beaucoup de sujets, mais qui restait célèbre dans la littérature pour son bestiaire d'amour. Il invente un genre nouveau. Il raconte mille choses autour des animaux, comme les bestiaires moralisés, il décrit leurs mœurs, leurs comportements, leurs propriétés réelles ou imaginaires, et il en tire non pas tant des enseignements religieux et moraux, mais des enseignements pour la quête amoureuse, selon les normes de la casuistique courtoise de cette époque. Il est de son temps, ce faisant. Il est clair, donc c'est un peu étonnant qu'il s'intéresse à la casuistique amoureuse, mais il le fait, et il le fait avec une très très belle langue. Il écrit d'abord en en prose, et puis il va transformer en vers son bestiaire. C'est en langue vernaculaire, ça n'est pas en latin. C'est une très belle langue. Et alors le thème est un peu toujours le même. Comment conquérir la dame? Elle est capricieuse, elle fait semblant d'aimer et elle n'aime pas. Et l'amant est toujours plus ou moins déçu, en quelque sorte. Mais il nous décrit les stratégies. Est-ce qu'il faut déclarer son amour? À quel moment? Beaucoup, pas beaucoup? Faire semblant? Faire semblant de faire semblant? Tout cela est d'une très très grande subtilité, sous les traits d'un certain nombre d'animaux dont les comportements sont mis en rapport avec ceux de l'amant et de sa dame. Est-il besoin d'exister pour exister? Le lion, on ne le connaît pas physiquement, au Moyen-Âge, non plus que la baleine. Oui et non. La différence entre animaux indigènes et animaux exotiques n'est pas tout à fait la même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas de lion sauvage vivant sur les terroirs européens, mais il y a des montreurs de lions qui se déplacent de foire en foire et de marché en marché. Il y a des fosses aux lions, il y a des ménageries, donc on peut voir quelquefois des lions vivants. Et puis surtout, dans n'importe quelle église d'Occident, il y a des lions sculptés, des lions peints, des lions racontés, des lions commentés. Le lion fait presque partie de la vie quotidienne. Tout le monde sait ce qu'est un lion au Moyen-Âge. Mais tout le monde sait ce que c'est qu'une licorne, mais elle existe sans exister. Voilà, oui, la frontière entre animaux réels et animaux imaginaires, là encore, n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Et parmi les animaux qui, pour nous, sont des animaux de fiction, il faut distinguer les périodes auxquelles on cesse d'y croire. La sirène, par exemple, dès la fin du XIIIe siècle, plus personne n'y croit. Le dragon, il faut attendre la fin du Moyen-Âge. Mais la licorne, on y croit encore fort avant, dans l'époque moderne, même si au XVIe siècle, Rabelais commence à douter, puis certains médecins à la fin du siècle, mais comme les apothicaires vendent de la poudre de corne de licorne censée guérir à peu près tout, ils maintiennent l'existence de la licorne jusqu'en plein XVIIe siècle. Le mot unicorne et le mot licorne ont des sens légèrement différents, non? Non, pas vraiment. C'est un animal composite qui emprunte toutes les parties de son corps à différents quadrupèdes. Elle a une tête de cheval ou de cerf ou de bouc. Elle a un corps de lion ou de taureau, des pieds de sanglier, etc. Mais surtout une corne unique sur le front qui lui donne son nom. Monokéros en grec, unicornis en latin, licorne en français. Le récit classique, tel qu'interprété par un de nos anciens camarades de France Musique, François Castan. L'unicorne est un animal qui a une corne sur la tête. Il ressemble à un chevreau, et pour l'attraper, il faut recourir à une jeune fille. Pour chasser cet animal et le capturer par ruse, il faut aller dans la forêt, là où il vit, et mettre sur son chemin une jeune fille vierge montrant son sein découvert. L'unicorne, attiré par l'odeur de la jeune fille, vient vers lui, lui baisse la poitrine et s'endort sur ses genoux. Ainsi va-t-il à sa mort. C'est alors que le chasseur survient et peut le tuer dans son sommeil, ou le prendre vivant pour en faire ce qu'il veut. Comme tout à l'heure dans la chanson d'Anne Sylvestre, le lion et la jeune fille, ici la licorne et le chevreau. Nous sommes dans le registre du bestiaire d'amour et le registre de la chasse n'est pas innocent sexuellement, érotiquement. Non, bien sûr, la licorne est même un fort symbole sexuel masculin. Le mot français licorne est trompeur parce qu'il est au féminin, mais c'est une mauvaise traduction de l'italien alicorno, la licorno, qui est un masculin, dont le français a fait la licorne en deux mots, et l'a fait changer de sexe, mais en grec, en latin, en italien, et dans d'autres langues vernaculaires, la licorne se dit au masculin, et c'est un principe mâle, avec cette longue corne, de plus en plus longue au fil des siècles, et son attirance pour les jeunes filles vierges, c'est pas tant la nudité de la jeune fille qui l'attire, que l'odeur histoire de virginité, nous disent les bestiaires et les bestiaires d'amour. Et les chasseurs, donc, doivent utiliser cette ruse, installer au cœur de la forêt une jeune fille vierge pour faire sortir des fourrés l'animal. D'ailleurs, si la jeune fille est faussement vierge, la licorne entre dans une fureur et la tue, tout simplement. Les chasseurs, par derrière, en profitent pour essayer de capturer l'animal. Vivant, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle se laisse mourir, ne supportant pas la captivité. Donc il faut la tuer. Le but, naturellement, c'est de s'emparer de sa corne merveilleuse, censée guérir à peu près tout, et notamment détecter le poison et éliminer les effets nocifs du poison. Pas besoin d'exister pour exister. Dans les bestiaires, il y a des marges, et puis il y a beaucoup d'enluminures. Et dans les marges et dans les enluminures, grouillent les monstres. Petits, là, ils sont petits, non, pour tenir... Ils sont petits dans cet espace restreint. Le dessin, oui, bien sûr, on ne peut pas faire des animaux de grande taille. Quelquefois, ils transgressent un peu tout, la marge, la page, la mise en page. Il y a des monstres de toutes sortes. Certains peuvent recevoir un nom, d'autres sont tellement composites qu'on ne peut pas mettre un nom. Le dragon, par exemple, c'est un monstre. Et un monstre au Moyen-Âge, c'est un animal qui est à cheval sur les catégories que j'ai énoncées tout à l'heure, quadrupèdes, oiseaux, poissons, vers et serpents. Donc le dragon est un monstre parce qu'il a un corps de quadrupède, il a des ailes d'oiseau ou de chauve-souris et une queue de serpent. Il est à cheval sur trois catégories. Le griffon, c'est un monstre, il a un avant-corps d'aigle et un arrière-train de lion, donc quadrupède à l'arrière, oiseau à l'avant, c'est un monstre. La licorne n'est pas un monstre et on la trouvera jamais dans les livres des monstres au Moyen-Âge parce qu'elle est certes totalement composite, mais toutes les parties de son corps, elle les emprunte à des quadrupèdes, cheval, bouc, chèvre, lion, taureau, sanglier, tout ça, ce sont des quadrupèdes. Donc la licorne est composite, certes, mais ça n'est pas un monstre. Alors vous avez promis de balayer un certain nombre d'idées fausses sur le monstre médiéval. Oui, en voilà une. Des animaux qui, pour nous, sont des monstres, n'en sont pas. Et comme vous l'avez répété plusieurs fois, tout à fait justement, ça n'est pas parce qu'on n'existe pas qu'on n'existe pas. Au Moyen-Âge, l'imaginaire, c'est une réalité. Ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité parmi d'autres. Au Moyen-Âge, et si l'historien des époques anciennes, et notamment du Moyen-Âge, ne comprend pas ça, il ne peut pas étudier la culture, les sensibilités et les savoirs de cette période médiévale. On va faire comme dans le journal Chromatique que vous publiez au Seuil, observer des faits contemporains. Celui-ci est patent. Eh les gars, vous n'allez pas me croire ! Fermez vos gueules là-dedans ! Vous n'allez pas me croire ! Mais je l'ai vu ! Qui ça ? Vous dites que je l'ai vu ! Qui ça ? Eh le bon de là ! Vicar Rouge ! J'ai vu comme je vous vois, en plein jour, il n'y a pas une heure. Au Jacques Rio. À poil, au bord de l'étang. Les vipères autour d'elle. Et le diamant entre les deux seins qui brillait au soleil. La vouivre ! La vouivre, mon Dieu ! Il est comment, son cul ? J'ai pas pu m'en détailler à cause de la brume sur l'étang. La vue, tu l'as pas vue ? J'ai vu comme je te vois que je te dis il y a pas une heure. Elle a fait comme si elle allait descendre dans l'eau, puis hop, elle est partie par le près de Jacques Rio. D'abord, il était gros comment, le diamant ? Oh, le seul moment où tu peux lui mettre la main dessus, au diamant, c'est quand elle saute dans l'eau. Hmm, ah, ce coup-là, elle n'a pas sauté, sans ça, vous pensez bien, le caillou, il serait dans ma poche. Le diamant, ça remonte à avant Charlemagne, mais la vouivre, ça remonte bien plus haut. Ça lui fait quel âge ? Elle n'a pas d'âge, puisqu'elle est immortelle. Quelqu'un qui est immortel, ça ne mérite pas de vivre. Le film de George Wilson, 1989, avec Jean Carmet et Jacques Dufilho. Et à cet instant précis, l'instituteur qui est dans le café se lève furieux et en appelle à la raison. Demain, Michel Pastoureau, la suite, l'épisode numéro 4, des textes illustres du Moyen-Âge. La préparation, c'était Martin Cellier. La réalisation, c'était Stéphane Ronxin. À la technique, Loïc Frapsos. Et le thème sera le roman de Renard. Sans doute y a-t-il quelques origines communes aux bestiaires et aux romans de Renard. Sur France Inter, c'était à l'instant une rediffusion de la marche de l'histoire. D'autres émissions, elles aussi consacrées au programme scolaire d'histoire, sont à retrouver sur notre site www.franceinter.fr.